Bon, moi j'aime sortir le soir quand il fait bien nuit, traîner dans la ville, mais dans les rues éclairées. Quand les gens tranquilles sont comme morts dans leur lit, quand les gens tranquilles sont dans leur rêve doré, doré, doré. Alors là j'enfile ma vieille paire de godasses, un bon pull au vert et ma sacoche sur le dos. Vous ne craignez rien, bonne chance, c'est juste moi qui passe. Vous ne craignez rien, mais faites ce bon vieux dodo. Dodo, dodo. Mais j'aime ce silence au milieu du silence, imparfait, la ville qui veut se reposer. Vos joies et vos peines sont inscrites dans la danse de mes godillots sur le pavé mouillé, mouillé, mouillé. Car faut-il accepter toujours qu'odieux sommeil, le tiers de la vie, nous devions sacrifier. Mourir une nuit et le matin au réveil, tout oublier jusqu'à la fin de la journée, journée, oh, journée. Vos corps emmêlés, vos corps éparpillés sur plusieurs étages et tout autour de moi. Vos corps immobiles, eux n'ont pas oublié. Mais vous, que faites-vous pendant ce temps-là, ce temps-là, ce temps-là? Mon ombre qui grandit, mon ombre qui balance, et puis rétrécit pour mourir sous mes pieds. Vos joies et vos peines sont inscrites dans la danse de mes godillots sur le pavé mouillé. Et moi j'aime sortir le soir quand il fait bien nuit, traîner dans la ville mais dans les rues éclairées. Quand les gens tranquilles sont comme morts dans leur lit, quand les gens tranquilles sont dans leur rêve doré, doré.